Section 101 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sonia. La lecture, tome 6e. Section 101. La princesse Lilith, par Jules Lemaître, chapitre 9. Quand ils arrivèrent au lieu où était l'enfant, Lilith fut fort étonnée, car elle s'était attendue à quelque chose d'extraordinaire et de magnifique, sans savoir quoi, et elle ne vit qu'une hutte adossée au rocher, et, sous ce chaume, un âne, un bœuf, un homme qui avait l'air d'un artisan, une femme du peuple, belle sans doute, mais pâle et frêle, et pauvrement vêtue, et dans la mangeoire, sur de la paille, un petit enfant, qui lui sembla d'abord pareil à beaucoup d'autres. Mais, s'étant approchée, elle vit ses yeux et, dans ses yeux, un regard qui n'était point d'un enfant, une douceur infinie et plus qu'humaine. Et elle s'aperçut que l'étable n'était éclairée que par la lumière qui émanait de lui. Elle dit à la jeune mère, « Comment vous appelez-vous ? Myriam. Et votre petit garçon ? Jésus. Il a l'air bien sage. Il pleure quelquefois, mais il ne crie jamais. » Voulez-vous me permettre de l'embrasser ? Oui, madame, dit Myriam. Lilith s'inclina, baisa l'enfant sur le front, et Myriam fut un peu fâchée de voir qu'elle ne s'agenouillait point. Ainsi, dit Lilith, ce petit enfant est le Messie. Vous l'avez dit, madame, et il sera roi des Juifs. C'est pour cela que Dieu l'a envoyé. Mais alors il fera la guerre, il tuera beaucoup d'hommes, et il détrônera le roi Hérode ou son successeur. Non, dit Myriam, car son royaume n'est pas de ce monde. Il n'aura pas de garde ni de soldats. Il n'aura pas de palais ni de trésors. Il ne lèvera pas d'impôts, et il vivra comme le plus pauvre des pêcheurs du lac de Génézareth. Il sera le serviteur des humbles et des petits. Il guérira les malades, il consolera les affligés. Il enseignera la vérité et la justice, et c'est sur les cœurs, non sur les corps, qu'il régnera. Il souffrira pour nous apprendre le prix de la souffrance. Il sera le roi des pleurs, de la charité et du pardon. Il sera le roi de l'amour, car il aimera les hommes, et à ceux qui sont tourmentés d'un désir d'aimer auquel la terre ne suffit point, il dira comment leur pauvre cœur trouvera son contentement et sa joie. Il aura d'inépuisables miséricordes pour tous ceux qui, même coupables, auront conservé ce don d'aimer et cette vertu de se sentir frère des autres hommes et de ne pas se préférer à eux, et sans doute il aura un trône. « Ah, vous voyez bien, » dit Lilith, résistant encore. « Mais, » reprit Myriam, « ce trône sera une croix. C'est sur une croix qu'il mourra pour expier les péchés des hommes et afin que Dieu son Père les prenne en pitié. » Lilith écoutait avec étonnement. Lentement, elle tourna la tête vers la crèche. Elle vit que l'enfant la regardait, et, sous la caresse de ses yeux profonds, vaincue, elle glissa sur ses genoux en murmurant. « On ne m'avait jamais dit ces choses. » Et elle adora. Et depuis longtemps, Noun, la bonne négresse, était agenouillée et pleurait. « Je sais, » dit Lilith en se relevant, que le roi Hérode cherche l'enfant pour le faire mourir. « Prenez l'âne, je le payerai à 100 mètres, et fuyez. » Fin de la section 101.